بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. Nous revenons à notre sujet, l'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation et ceux qui suivent à leur passion et les gens du doute. Et c'est notre sixième cours autour de ce sujet-là. La situation est très dangereuse, frère en Allah, Azza wa Jal, parce que les ambiguïtés ont l'effet de l'aimant. Hein? Tel point que maintenant, tu entends parmi certaines personnes qui te disent, mais maintenant, tous ces groupes dont, qui sont dans les annales de l'histoire, comme Jahmi, Mu'tazili, etc., n'existent pas parmi nous. Sache que cette personne qui parle ainsi, il ne sait pas ce qu'il dit. Des fois, tu discutes avec une personne au pied d'un immeuble, et dans la personne, il te passe d'une secte à une autre, dans ses paroles. Il te passe de Mourji'a vers l'Ahbash, vers le Mu'tazila, vers tout. Il passe par tout ça, en passant par le Khawarij. Hein? Il passe par toutes ces idées-là, et par toutes ces tendances, toutes ces croyances. Hein? Tu dis, ah, qu'Allah te guide, etc. Tu viens prier, etc. Tu dis, ah, je dis là, il a Allah, je crois en Allah, etc. Voilà. Et dans la même truc, il te dit, mais t'as vu ce gouverneur mécréant, que ça, il parle d'un gouverneur musulman. Il est passé d'où à où? De le manger à l'Khawarij direct, d'une extrême à une autre. Et des fois, il te dit, mais la logique veut et on est dans un autre monde qui a changé. D'où il est passé? Il a mis quoi? Il a mis sa raison. Il est passé d'où à où? Il est passé à l'Mu'tazila. L'une de leurs caractéristiques, c'est de mettre la raison avant le texte. Et quand l'Habashi, il est devant toi, il est quoi? Qu'est-ce qu'il fait des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Il les met de côté, il les attal. Et quoi? Ça n'existe pas? Toutes ces tendances n'existent pas? Là, celui qui dit ça, il n'a pas compris la voie de ses puiseurs d'Allah. Là, il n'a pas compris. Et il est sur un danger, sur une pente qui il risque de glisser. Parce que ça peut l'emporter. La voie des puiseurs d'Allah veut de nous qu'on fasse la part des choses. C'est une voie particulière qui demande de nous à être particuliers. Au niveau de nos croyances, au niveau de notre comportement, de nos adorations, etc. etc. Et pas, hein? La particularité est demandée. Et il y a eu ça là, une conférence de Cheikh Abdullah al-Bukhari, Abdullah qui s'appelle At-Tamyiz wa At-Tamayuz. Hein? Inde al-Salaf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de la mettre pour voir comment c'est demandé. Il faut que tu sois particulier. La voix typique, elle veut de toi cette particularité. Là, si contre Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit 73 sectes et une sur la vérité, dis-toi bien, ces 373, prends une page blanche. Au départ, quand l'islam est arrivé, il était clair, net. La voie sur laquelle était Prophète Alayhi Sallam sur nos nobles compagnons était claire. La nuit et le jour sont identiques. Et après, les tâches sont arrivées. Qadariya, Khawarij, etc. Ils ont tacheté. Cette clarté, hein, a été coloriée. Il reste juste un petit point au milieu. Hein? Et ce point, c'est cette différence. Et cette différence, il est dans ce titre qu'il porte. La voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. La voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons aujourd'hui. Il faut que tu la cherches. Il faut que tu l'apprennes. Il faut que tu connaisses ses règles et ses fondements. Et justement, quand on ne connaît pas ses règles et ses fondements, on débite des énormités comme ben, le Mu'tazila n'existe plus aujourd'hui, l'Ash'ari n'existe plus. Subhanallah. Hein? Dans combien de pays, la croyance officielle, c'est la croyance de l'Ash'ari? Je dis de la croyance officielle. Mais quand tu prends le commun, c'est autre chose. Le coma sont dans une croyance al-sunnah al-jama'a. Mais la croyance déclarée officielle, dans certains états, il est. Hein? Fait, il ne faut pas dire n'importe quoi à l'islam. Et pourquoi on débite n'importe quoi? Et pourquoi on entend ce genre de futilité? Parce que justement, c'est l'apprentissage, c'est, le, hein? C'est ce qui sont dit n'est pas là. Hein? Parce qu'on desserte nous-mêmes sur les textes. Hein? Il dit que on a un peu d'arabe, un peu de règles, etc. On veut être à Sibawaye de son temps. Hein? Et ainsi de suite. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Hein? La voie du puiseur d'Allah alim, et c'est une voie de particularité, d'être particulier à tous les domaines, par rapport à tout ce qui est. Que ce soit hein, dans toutes les tendances. C'est une voie particulière et qui est une voie de la clarté. Et qui est une voie très claire. Fa, on est à quel chapitre ? 17e chapitre. Bab al-hirsu ala mujalasati al-sunnah. Le 16e chapitre, il a dit le fait de que la personne elle est sur la religion de son intime. C'est-à-dire, regarde ton intime. Ton intime, c'est un innovateur. Ne va pas te cacher la face à toi-même. Tu es dans la même tendance que lui. Ton intime, c'est un homme de la sunna. Bah, tu es comme lui. Hein? Et maintenant, le chapitre qui suit pour te montrer que les chapitres qu'il a fait sont imbriqués l'un dans l'autre. Et une perfection dans comment il a écrit Hafidhallahu ta'ala, c'est Trisala. Il a dit, tenir à être dans les assises, disons, de la sunna. Tenir à être dans les assises de la sunna. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. إن سيت كما سنة كتمي les premières preuves de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le verset dit patiente-toi avec ceux qui invoquent Allah matin et soir. Ils veulent la face d'Allah. Ils veulent la récompense de Allah. Tu ne détournes pas d'eux. Hein? Tu ne détournes pas d'eux en cherchant les embellissements de ce bas monde. Et n'oublie pas à ceux qui sont insouciants, dont les cœurs sont insouciants de notre rappel et qui suivent leur passion. Hein? Parce que leur situation, elle est nulle. Non, venant. Il va vers la perte. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala matalu al-jalis as-salih was-su' kamathali kahamil al-misk wa nafikh al-kir fa hamil al-misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة رواه البخاري ومسلم. Et الرسول صلى الله عليه وسلم nous donne cet exemple pour chercher. Hein? Et ce hadith il est déjà passé avec nous. Hein? Pour chercher la compagnie des vertueux et des bons. Hein? Dit l'exemple du bon compagnon et du mauvais compagnon. C'est comme le vendeur de parfum et le maréchal ferrant. Le vendeur de parfum, soit il va te toucher, il va te faire goûter du parfum et donc tu vas partir parfumé à la maison. Soit en étant un cigare, tu n'as pas acheté, il t'a pas fait goûter, rien du tout. Tout le temps que tu auras passé avec, bah tu respires quoi ? Des bonnes odeurs. Et le mauvais compagnon, soit il va brûler tes vêtements, soit tu vas partir avec une odeur nauséabonde. Je ne sais pas si vous connaissez les maréchal ferrant dans les montagnes, ou là dans les campagnes. C'est quand le four, il prend son soufflet pour souffler, pour allumer le feu. Ça fait des étincelles. Donc ça peut faire de tête, j'ai là-bas, au-delà de ton vêtement, un tamis plein de trous. Quand les étincelles le touchent. Et aussi quand il sort les fossiles, le matériel qu'il fabrique, il les jette dans de l'eau. Et ces fers chauds, etc., ont une mauvaise odeur. Tu pars, tu es imprégné de mauvaises odeurs. Hein? Regarde. Et les exemples que donne le prophète sont extraordinaires. Ils sont très forts. Il attire l'attention très vite. Ça veut dire, il faut que tu cherches la compagnie des gens de la sunna. Et que tu t'éloignes des gens du mal, qui sont les gens de l'innovation, qui suivent leur passion, et les pervers et les désobéissants. Wa an Abi Hurayrata anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala al-arwah junudun mujannada fama ta'arafa minha ihtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf rawahu al-Bukhari mu'allaqan. Et le Bukhari ainsi que Muslim de rapporter ce hadith que les âmes sont comme des armées. Ceux qui se connaissent, ben, ils sympathisent entre eux, ils restent en groupe. Mais ceux qui ne se reconnaissent pas, ils sont en divergence. Hein? Enfin, les bons vont être avec les bons, et les mauvais vont être avec les mauvais. Hein? وجاء في الباب الثامن عشر دم من يسارع إلى أهل الباطل وإلى استماع كلامهم. Et dans le 18e chapitre, il dit, hein, le blâme de celui qui accourt vers les gens du faux et qui va vers le fait d'écouter les gens du faux. Hein? Allez, je vais écouter ce qu'ils disent. Hein? Et si tu écoutes ce qu'ils disent ici, ça s'ancre dans ton cœur. Comment tu vas le faire sortir? Si l'ambiguïté, il arrive, il rentre dedans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'idée qu'il a aimée correspond à tes passions, à ce que toi t'as envie. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es jeune, tu es en Europe, et tu te retrouves dans un, par exemple, le Bourget ou autre, lors d'une zinassise d'Ikhwan. Mais attends, on ne peut plus se marier comme avant. Maintenant, il faut se connaître, il faut aller voir la fille. Eh bien, tu es jeune, toi. Hein? Tu as été éduqué dans le système cartésien, la rationalité, etc., l'ouverture d'esprit, le fait de se connaître mutuellement. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire de toi, cette ambiguïté? Il va te balayer à l'islam. Hein? Et cette vie qui doit être heureuse et qui doit être fondée sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas la fondre sur quoi? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afia. Alors la situation n'est pas aussi simple que ça, khal islam. Tu es là pour l'épreuve. Et l'épreuve passe par ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'accepter ce que veut de toi Allah. Et d'accepter ce que t'implique, ce que t'impose la sunna de ton prophète alayhi salatu wasalam. Et ce que veut de toi Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te soumettes à ce messager alayhi salatu wasalam, tu lui obéis, tu le suives. Et que tu suives ces nobles compagnons d'Allah alim qui étaient là, qui ont compris par le prophète alayhi salatu wasalam et qui ont transmis la lettre et la définition de la lettre. Qui ont transmis les textes et la signification des textes à l'islam. يقول الشيخ حفظه الله قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Et ce verset avec lequel commence le cheikh, ce paragraphe, il dit, ô messager, le messager d'Allah Azza wa Jalla Muhammad alayhi sallam, tenez, hein, aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était attristé contre certains, montre la foi et la croyance, et après ils reviennent à la mécréance. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui adresse cette parole, il dit, ô prophète, ne sois pas attristé de ceux qui accourent vers la mécréance. Après qu'ils ont cru, ils accourent vers la mécréance. Ne sois pas attristé pour ceux-là. Parmi ceux, auparavant qui ont dit, nous avons cru. Parmi ceux qui ont dit, nous avons cru, mais ils l'ont dit tout simplement par leur langue. Mais leur cœur n'ont pas cru. Et parmi les juifs, qui écoutent leurs mensonges et qui répondent à leur appel. Qui répondent à qui? À l'appel de qui? Le juif répond à l'appel de qui? Il répond à l'appel de ses grands, de ses rabbins et de ceux qui sont à leur tête. Ils leur répondent parce qu'ils les appellent à quelque chose. Et en même temps, ils n'ont pas répondu à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Lam ya'touk, c'est-à-dire, ils se sont détournés de toi. Mais quand ils sont venus vers toi, c'est pour déformer la parole de sa place et lui donner une autre signification. Parce que leurs grands leur ont dit, si on vous donne ceci, prenez-le. C'est-à-dire, si on vous oriente, on donne ça, vous le prenez, vous le mettez en application. Si on vous dit ça, vous le prenez pas. C'est-à-dire, ils ont déjà les orientations avant d'arriver. Et ils les avertissent. Mais celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut le faire tomber dans la fitna, tu ne peux rien pour lui. Ceux-là, comme il est dit dans le verset, font partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu purifier leur cœur. Ils ont le fdiha, seront divulgués dans ce bas monde, et le grand châtiment dans le delà. Khizifi dunya, fdiha, et le châtiment dans le delà. Wa qala ta'ala, فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك نفاق ضعف إيمان يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Et dans l'autre verset il dit, tu vois ceux qui ont le doute dans le cœur, la faiblesse de la foi, l'hypocrisie. Ils accourent vers eux, c'est-à-dire ils accourent vers les juifs. Ils leur disent, ils se disent, nous avons peur si les juifs gagnent, peut-être qu'en agissant ainsi, nous allons être bien vus parmi eux. Mais quand arrivera la conquête minallah azza wa jal pour les croyants, ils vont regretter. Donc en eux-mêmes, ils regrettent. Ils garde le regret dans l'intérieur. Wa qala ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan ay naqsan wa la awda'u khilalakum ay sa'u bainakum fil fitna yabghunakum al fitna wa fikum samma'un lahum wallahu alimun bil zalimin. Il est dit dans notre verset, s'ils sortent avec eux, c'est-à-dire sur le sentier de combat, ils vont que vous diminuer et créer la zizanie entre vous. Ils cherchent à vous perturber. Et il y a des gens parmi vous qui les écoutent. Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'on est les injustes. Donc, dans ces cas-là, ce chapitre, Cheikh il l'a ramené pour nous blâmer. Comme quoi, ses preuves prouvent comme quoi il est dans le blâme celui qui accourt vers les gens du faux. Et celui qui écoute leurs paroles. يقول الشيخ حفظه الله الباب 19 الدراسة عند أهل البدع تعاون على الإثم والعدوان. Et 19e chapitre 18e 19 فقه من النعاس. Étudier chez les gens de l'innovation, c'est s'entraider sur le mal à l'islam. Étudier chez les gens de l'innovation, c'est s'entraider dans le mal. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Il est dit dans le verset, entraidez-vous dans la piété, dans la dévotion et dans le bien, et ne vous entraidez pas dans l'injustice, dans le mal. Et préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est douloureux, très fort. Wa qala ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamati wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri 'ilmin ala sa'a ma yazirun. Et il est dit dans notre verset, pour qu'ils portent la charge, la lourde charge du mal qu'ils ont accompli, ils vont la porter complète le jour de la résurrection. Ils vont rajouter à leur charge la charge de ceux qu'ils ont égarés sans science. Donc ceux qui propagent le mal prennent déjà, et en même temps ceux qui les suivent prennent, mais en même temps eux ils prennent la charge aussi de ceux qui les suivent. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما ومظلوما قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تأخذ فوق يديه رواه البخاري. Et dans l'authentique du Bukhari رحمه الله تعالى الحديث de Anas C'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais triompher ton frère, qu'il soit injuste ou qu'il soit juste. Ils lui ont dit, ya Rasulallah, comment le faire triompher alors qu'il est injuste? Comment le faire triompher alors qu'il est injuste? Il a dit, tu le remets à sa place, tu lui dis que ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Hein? La même chose quand tu vois quelqu'un étudier avec les innovateurs, tu lui dis, ahi, ça c'est pas bien. Parce qu'il est injuste avec lui-même. Il ne sait pas où il va. Là, c'est pas bien, Khalis. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Et dont le hadith rapporté par l'imam muslim, le hadith d'Abu Hurayra radiallahu anhu wa arda, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle vers une guidée, il aura sa récompense et la récompense de ceux qui l'ont suivi. Et ça diminuera en rien de la récompense de ceux qui l'ont suivi. Et celui qui appelle vers un égarement, hein, il aura son péché, hein, plus les péchés de ceux qui l'ont suivi sont diminués de leur péché à eux aussi. Donc comme le verset. ومن هذا الباب يقول الشيخ الأحاديث التي وردت في النهي عن مدح الإنسان في حضرته إذا خشي عليه الفتنة. Il fait partie de ce chapitre aussi, frère en Allah, Azza wa Jal. De ne pas faire les éloges de ton frère devant lui quand on a peur pour lui de la fitna. C'est un mal. C'est un mal, akhi al-Islam. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et dans ce qui est rapporté chez le Bukhari ou chez l'imam muslim, Abou Moussa al-Ash'ari a dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme faire l'éloge de quelqu'un. Il a dit, vous avez fait périr votre frère, vous lui avez coupé le dos. Faire les éloges de quelqu'un devant lui, tu lui coupes le dos. Parce que tu es le shaitan, il va se gonfler. Hein? وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال أتنا رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. إذا أبي بكر رضي الله عنه كأنهم devant le prophète عليه الصلاة والسلام a fait l'éloge d'un homme. Il lui a dit malheur à toi, tu lui as coupé la tête, tu as coupé le cou. Il lui a répété plusieurs fois que tu lui as coupé le cou. Il a dit, si quelqu'un veut faire l'éloge de quelqu'un, il dit que je le considère ainsi et je ne fais l'éloge de personne devant Allah subhanahu wa ta'ala, mais je le considère ainsi. S'il sait qu'il est ainsi, s'il sait qu'il est bien, il dit ça. C'est pour ça, parmi les nobles de cette communauté, parmi, je les ai proches de nous, qui un jour, un présentateur a commencé à faire des éloges, des énormes éloges à Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh l'Albani a commencé à pleurer. Et quand il a pris la parole, il a dit, je n'ai qu'une seule, hein, il me reste juste à dire, comme il a dit Abu Bakr Siddiq, radouanallah alayhi. اللهم اجعلني عند حسن ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. يعني الله سبحانه وتعالى يفاس que je sois dans la meilleure des situations qui suppose sur moi et qu'il me pardonne ce qu'il ne connaisse pas. Pourquoi il a agi ainsi? Parce qu'il sait ce que c'est que faire l'éloge à quelqu'un, tu le casses, hein, et tu aides Shaitan contre ton frère. يا يقول الشيخ ففي هذه الأدلة تحريم تعاون على الإثم والعدوان ووجوب تعاون على البر والتقوى. Il dit, il y a, dans ces preuves qu'il a citées, Cheikh, il dit, il y a le fait, l'interdiction de s'entraider sur le mal, et l'obligation de s'entraider sur le bien, sur la dévotion, et sur la piété. Il y a qu'il وَمِنْ مَفَاسِدِ الدِّرَاسَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْبِدَعِ أَنَّهَا مِنَ التَّعَاوُنِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ فِيهَا اغْتِرَارًا لِذَلِكَ الْمُبْتَدِعِ الْمُدَرِّسِ وَالتَّمَادِي فِي مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. Et il dit, حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى, il permet les mauvaises choses et le mal qu'il y a dans le fait d'étudier chez les gens d'une innovation, c'est qu'on s'entraide sur le mal. Et il y a dedans, c'est que la personne, l'innovateur, Hadashi qui tue, on te dit, il devient imbu de lui-même. Et son tête, il reste dans cette voie-là. Et dans l'égarement et dans l'innovation dans laquelle il est. Parce que tu lui donnes de l'importance en étudiant chez lui. Parce que pour lui, c'est une thèse qu'il y a, etc. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل رواه الامام مسلم من حديث جابر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال celui qui peut être utile à son frère qu'il le fasse. Et quoi de plus grand bien que d'attirer l'attention sur ton frère qu'il est dans le garment et de le faire de la meilleure des façons. Et quoi de plus grand bien que tu vois quelqu'un il sait pas, il fréquente un prof de l'innovation, etc., que tu l'avertisses de la meilleure des façons pour qu'il puisse sortir de là avant que l'innovation ne fasse une toile d'araignée dans son cœur. Hein? Et dis-toi bien, frère en Allah, Azzawajal. Je te dis, il n'y a personne chez moi, mais il n'y a que cet homme-là, il a le Coran. Et pas de problème. Et tu dis, moi, je t'apprends que le Coran. Au début, tu commences avec le Coran. Les semaines passent. Après, s'il y a autre chose, parce qu'il y a un mot difficile dans le Coran, bon, il ramène, soit son ray, soit l'interprétation d'un éclaté ou d'un égaré, et toi tu l'apprends. Mais quand est-ce qu'il commence à agir ainsi? Quand il te voit, toi, cherchant la sunna, là il ne commence pas dès le début, il n'est pas fou. Shaitan, il est venu, il a dit à Adam, viens, je t'ai enduit dans l'erreur, dans l'égarement là. Il est venu, il a dit, moi, ce bel arbre, si on te l'a interdit, c'est parce qu'il va faire de toi que tu sois éternel, parce que tu es le grand royaume, etc. La même chose, l'innovateur. Il ne va pas commencer à dire, ça c'est la voix de l'égarement. Là c'est les paroles d'un éclaté, d'un égaré, etc. que je te cite. Ah ben donne. Mais doucement. Mais quand il va commencer, quand toi tu as, quand il sent que tu es attaché à lui, quand ton cœur est lié à lui, c'est à ce moment-là. Et c'est là que ça fait des dégâts. Parce qu'après, quand on s'en rend compte, on est 4, 5, 6, après on va devenir, on était 4, 5, 6, comme ça, ensemble. Après on va devenir, les 4 ou 5, on va devenir 3 groupes. Les pour, les contre, et ceux du milieu, les neutres. T'as vu ce que ça fait? Ça, c'est l'effet de l'innovation et des innovateurs à l'islam. C'est comme ça. Si toi, tu ne le sais pas, les hommes de science, ils dignes du nom, parmi les grands ailleurs d'Allah Alim, nous ont avertis. Ils nous ont donné les exemples. Hein? Il ne faut pas qu'on soit un but de soi-même à l'islam. Wa tabata anhu, sallallahu alayhi wa sallam, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تعينوا على أخيكم الشيطان. Il nous a été confirmé du prophète عليه الصلاة والسلام du hadith d'Abi هريرة رضي الله عنه. Il a dit, n'aidez pas Shaitan contre votre frère. Ne donnez pas le dessus à Shaitan sur votre frère. Et quoi de plus grand mal que de grandir l'assemblée d'un innovateur? Alors tu es le shaitan contre lui. Il va dire, moi je suis là. Il n'y a pas meilleur que moi. Je suis dans la vérité, je suis dans le bien. Je continue. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم. رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا. الرسول صلى الله عليه وسلم دي علي بن أبي طالب كل الله سبحانه وتعالى guide par ton si Allah سبحانه وتعالى guide par ton intermédiaire un homme c'est mieux pour toi que le chamel rousse. Le chamel rousse c'était ce qu'ils avaient de mieux dans l'élevage qu'ils avaient des chameaux. Ça veut dire que si maintenant tu sors quelqu'un de la voie de l'égarement, alors t'as fait un grand bien. Et si tu aides quelqu'un parmi les têtes qui enseignent l'égarement, etc., à sortir de là, t'as fait un grand bien pour cette personne-là. Le hadith, l'englobe que tu aides quelqu'un à se convertir à l'islam, certes. Mais aussi, il y a dedans le fait de guider quelqu'un, d'orienter quelqu'un, vous prendre la voie du prophète, et de nous aider, et de quelqu'un à ne pas être imbu de lui-même, et de ne pas s'entêter dans son égarement, dans l'enseignement de son égarement, et de revenir vers la voie. Ah, ça fait partie aussi dedans. يقول الشيخ حفظه الله فأنت إذا تركت الدراسة عند أهل البدع وابتعدت عنهم وهجرتهم فتاب أحدهم بسبب ذلك فهذا خير عظيم. الشيخ يقول maintenant si toi tu délaisses l'étude chez les gens de l'innovation et tu t'éloignes d'eux et tu les mets à la quarantaine et un parmi eux se repent, ça c'est un grand bien, c'est un énorme bien. الباب العشرون باب مشابهة أهل الأهواء باليهود والنصارى. Chapitre 20 La ressemblance de ceux qui suivent leur passion avec les juifs et les chrétiens. Dur hein, les titres hein? Mais les preuves sont claires. Tu peux rien faire, t'as rien à dire. Tu peux dire quelque chose s'il n'y a pas de preuves. Mais tant qu'il y a Allah a dit, Rasoul Allah a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il n'y a rien de dur dans tout ça. C'est l'aisance et la facilité et la sagesse, c'est ça. Allah a dit, Rasoul Allah a dit. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وقال الله في صفة المغضوب عليهم من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه Il dit dans son livre, hein, prendre la voie droite, qu'ida sirat al-mustaqim. Allah a dit, dans décrivant ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont à leur tête, qu'il y a les juifs. Et parmi les juifs, qui déforment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de sa place, c'est-à-dire qu'ils lui donnent une autre interprétation. Yaqul. والكلام لابن تيمية رحمة الله عليه ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. Et les a décrit aussi dans le Coran comme quoi ils font bouger, ils tournent leur langue avec le livre. Pourquoi vous croyez que ça, ça fait partie du livre? Mais ça ne fait pas partie du livre. Des belles paroles avec lesquelles ils font bouger, hein? Des belles paroles, etc. Mais ils ne font pas partie du livre. يقولوا ابن تيمية والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل. Et le fait de déformer les sens et de donner un autre sens, il a deux significations. Soit on déforme la révélation, soit on déforme la signification, on lui donne une autre signification. فما تحريف التأويل فكثير جدا. Quant à donner des fausses interprétations, ça c'est beaucoup, il existe beaucoup. وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة. Et beaucoup de groupes parmi cette communauté ont été prouvés avec ça, donner d'autres définitions et d'autres interprétations qui ne sont pas véridiques. Hein? وما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير وقد وقع فيه كثير من الناس. Et quant à le fait de déformer Là, ce qui est descendu, c'est-à-dire la révélation, beaucoup de gens sont tombés dedans. يحرفون ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويرغون الحديث بروايات منكرة. Ils déforment la parole du prophète, ils citent la parole du prophète par des versions qui sont blâmables, qui ne sont pas les versions par lesquelles ils ont été dites par le prophète. وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك. Même si les étalons de la science de cette communauté purifient tout ça et le mettent de côté. وربما يتطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل وإن لم يمكنه ذلك كما قرأ بعضهم وكلم الله موسى تكليما. أعوذ بالله. Et peut-être que certains vont aller plus loin dans la déformation de la révélation. Et s'il ne peut pas, bah comment on fait certains? Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, Allah a parlé à Moussa. Il a fait quoi? Allah, il a mis l'ansba, A, sur Allah, pour que ça fasse le complément. Et que ça fasse que la signification du verset devient, non pas Allah a parlé à Moussa, mais c'est Moussa qui a parlé à Allah. Pourquoi? Il déforme comme ça, pourquoi? Pour ne pas reconnaître l'attribut qu'il s'est donné à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme quoi? Que le Coran, c'est la parole d'Allah. Andak. Fahim? C'est dangereux. واما لي الالسنه بما يظن انه من عند الله فكوضع الوضاعين الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le fait de faire bouger la langue et de parler de choses qu'on croit qu'ils sont d'Allah Azza wa Jal, c'est ces hadiths qu'on invente, ceux qui ont inventé les hadiths sur le prophète عليه الصلاه والسلام, et ces mentions qu'ils ont émis sur le prophète عليه الصلاه والسلام. او اقامه ما يظن انه حجه في الدين وليس بحجه. Ou ramener quelque chose laquelle ils vont faire croire que ça c'est une preuve dans la religion alors que ça n'en est pas. Et cette façon de faire, c'est l'un des comportements des juifs. Et le blâme de ce genre d'acte, il est nombreux dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui savent méditer la parole d'Allah et l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul wal kalam la zal ibn thumma nadhara bi nur al iman ila ma waqa'a fi al ummah min al ahdath. Il dit, celui-là va se rendre compte quand il médite la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va regarder avec la lumière de la foi ce qui est arrivé à cette communauté. Wa qala subhanahu 'anil nasara يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. Et Cheikh de dire, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, Allah a dit, des chrétiens, ô gens du livre, n'allez pas à l'extrême dans votre religion. Dites sur Allah que la vérité, ne dites pas du mensonge et du faux sur Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, le Messie Isa et le fils de Marie, de Maryam plutôt, et le messager d'Allah, et l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une parole, l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, soit et il est. Hein? C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit né, son père, hein? Et c'est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le serviteur d'Allah, et c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. Il a dit, ils ont mécru ceux qui ont dit que Allah c'est le Messie fils de Maryam. الى غير ذلك من المواضع ثم ان الغلو في الانبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبده والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذهب الحلول والاتحاد وما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. Et dans d'autres passages aussi, mais Cheikh l'Islam il dit, et l'extrémisme est arrivé à cette communauté en ce qui concerne les prophètes, les vertueux, jusqu'à certains groupes de l'égarement parmi les ascètes et les mystiques, parmi les soufis, hein, sont tombés dans ce qu'on appelle l'unicité de l'existence. Toi et Allah, c'est la même chose. Allah est dans le mur, l'aidan billah. Là, c'est toi, c'est lui. C'est-à-dire que ça, ils sont pires que les chrétiens. Les chrétiens, ils ont dit Allah, c'est Isa. Ils l'ont limité. Ou Allah, c'est le troisième de trois. L'ahadou. Dans chaque créature, c'est Allah. L'ayadan billah. Vous voyez un petit peu où est-ce que ça va? Wa qala ta'ala, ittakhadu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Et il est dit dans le verset, ils ont pris leur rabbin, leur curé et leur homme de science comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Messie, fils de Marie, tout ça, ils les ont pris comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset à Udayy ibn Hatim, il lui a dit comme quoi ils leur ont fait licite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait licite. Ils leur ont rendu licite ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait licite. Ils les ont suivis dans tout ça. Il dit وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. Et il dit beaucoup de ceux qui suivent le mashaykh d'Al Sufia, ils les obéissent et pour eux ils sont vénérés pour eux et ils vénèrent tout ordre qu'ils leur donnent, même si l'ordre qu'ils leur donnent fait d'une chose qui est illicite licite et d'une chose qui est illicite illicite. Ils les suivent dans tout ça. Wa qala subhanahu wa ta'ala anin nasara ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم. Et il est dit dans l'autre verset concernant les chrétiens, une rahbaniya qu'ils ont, c'est-à-dire un ascétisme qu'ils ont, le fait de se couper de ce bas monde, de ne pas prendre femme. Ils sont, et ça, c'est quelque chose qu'ils ont innové. Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas ordonné. Ils l'ont innové pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, rahimahullah ta'ala, toujours les paroles sont Ibn Taymiyyah. Il dit, et certains groupes de cette communauté ont été atteints de cette rahbaniya. Certains vont se réfugier dans des trois rats dans les montagnes. Des retraites spirituelles à ne plus en finir. Ils errent sur terre, disent, nous faisons confiance à Allah. Une fois, parmi les histoires que raconte Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, d'un parmi ceux-là qui a dit, je suis mutawakkil à Allah, il est parti sans rien. Tout vient min Allah. Et l'air, etc. Et à un moment donné, un jour du vendredi, il arrive dans une ville, il n'y avait personne dans la mosquée, donc il ne veut pas montrer qu'il a faim et qu'il a soif, etc. Il se cache derrière le manbar. Les gens, ils prient. Ouais, il n'a pas prié. Ils ont assisté à le jumeau. Ouais, il n'a rien fait. Et quand il a senti que tout le monde sort de la mosquée, qu'il a commencé à faire du bruit. Je suis là. Quand ils l'ont trouvé presque un cadavre, mourant. Ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé. Il a dit, je suis le mutawakkil à Allah. Kef. Ça, c'est le genre de trucs qui sont hérités. Du christianisme, etc. La recherche de la sagesse de certains voit aussi dans l'égarement et ainsi de suite. Et certains font des retraites, ils ne mangent pas de l'eau. Et soi-disant la courgette, là, il la grimpe, ou là du pain sec. Pendant 40 jours dans un trou, il parle à personne. Il est dedans, dans le trou, à rat, et il est là. Et après, il arrive, il semble qu'il a reçu la révélation, il te sort des il débite de ses paroles, aïdan billah. Il a tout déjà enquêté chez lui. Certains disent, moi, ça fait 120 jours, j'ai pas dormi. Et pour ne pas dormir, pour tenir, je mets du sel dans l'œil. Hadar Rajab Dib, quand il est venu visiter les Naqshbandi de l'île, il leur a dit ça. Et c'est normal, il a bousillé ses yeux. Parce que les lunettes qu'il porte, elles sont comme ça d'épaisseur. Il disait que pour être éveillé pendant 4 mois, il mettait du sel dans l'oreille. Mais c'est normal, t'as détruit ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme bienfait qui sont tes yeux. Et moi je comprenais rien. Parce que je voyais dans la vidéo qui a été enregistrée, vous voyez, des gens, certains ils ont un doctorat, d'autres ils ont bac plus 5. Je dis, subhanallah, comment ils peuvent gouverner qu'un homme peut rester sans manger éveillé 4 mois? C'est possible? Et au moins ils sont là, Allahu Akbar, la karama d'yel Sheikh, le miracle du Sheikh, Allah subhanahu wa ta'ala salam. Je ne sais pas où sont parties les raisons de cela. Bon, cela, certains hommes de science disent, s'il y avait un marché des raisons, on irait leur acheter des raisons parce qu'ils n'en manquent pas. Mais malheureusement, les raisons, c'est un bienfait, min Allah azza wa jal, ça ne s'achète pas. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وقال والكلام للشيخ الإسلام لتهمية إلى أن قال رحمه الله وأما مشابهة فارس والروم فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية قولا وعملا والآثار الفارسية قولا وعملا ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام وبما حدث فيه انتهى كلامه رحمه الله من المجلد الأول من اقتضاء الصراط المستقيم il dit رحمه الله toujours les paroles sont ابن تهمية quant à la ressemblance avec les Perses et avec les Romains beaucoup de la communauté, on voit l'impact dans la communauté de leur ressemblance avec les Romains, que ce soit au niveau de la parole, que ce soit au niveau des actes, la même chose, l'influence hein, au niveau de la parole et des actes qui est venue de Perse aussi et des Persans, hein, dit beaucoup de croyants sont tombés dans ça et dit dans des choses que Allah subhanahu wa ta'ala sait hein. Regarde comme hier ressemble à aujourd'hui. Regarde maintenant notre jeunesse, Moussakin. Hein, à qui ils veulent ressembler hein? Regarde, tu prends notre jeunesse. Ils sont bien. On ne va pas dire du mal d'eux ni quoi que ce soit, mais ils sont bien quand tu leur parles, ils t'écoutent, etc. Mais la première chose de laquelle ils ressemblent, tu vois, ils ressemblent aux Marines dans leur coiffure. Lac. Ils laissent un petit peu là. Et ça, c'est le Qazakh que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et comment es-tu si ahi de ressembler à ceux qui tuent les musulmans là-bas, en Irak, etc. T'as vu un petit peu que les ressemblances ne sont pas tombées dans les temps anciens, mais c'est encore de nos jours. Hein? Et qui sont les modèles maintenant de nos filles, de nos garçons? Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous raffermit dans sa voie jusqu'à la fin des temps. Que Allah subhanahu wa ta'ala guide nos frères et nos sœurs qui ne savent pas dans quel gouffre ils vont. Que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Wa qala rahimahullah أي شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من كتابه الاقتضاء وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون على الله ما لا يعلمون ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيره يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وليس هذا موضع شرح ذلك يقول الشيخ حفظ الله. Et il cite encore des paroles donc Tida Salat Mustaqim du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Il dit dans un autre passage dans ce livre, il dit la réunion de la mécréance des juifs, il est dans le fait de son origine, c'est dans le fait de ne pas mettre en application la science qu'ils avaient. Ils connaissent la vérité, ils ne la mettent pas en application, que ce soit au niveau des actes ou là au niveau de la parole. Et la mécréance des chrétiens, il est au niveau des actes parce qu'ils mettent en application sans science. Et ils font des efforts dans certaines formes d'adoration sans s'appuyer sur hein, les preuves de la législation d'Allah. Et ils disent sur Allah ce qu'ils ne savent pas, sans preuve. C'est pour ça que Salaf radhiyallahu anhu mis à leur tête, Soufiane ibn Uyayna et d'autres disaient, parmi les hommes de science de cette communauté qui devient mauvais, ils ont des ressemblances avec les juifs. Et parmi les hommes de, et parmi les mystiques de cette communauté qui devient mauvais, ou les adorateurs de cette communauté qui devient mauvais, ils ont une caractéristique du chrétien. Khal Islam, regarde, que tu comprennes bien cette parole. Hada Soufiane ibn Uyayna, il ne les a pas rendus mécréants. Il a dit, ils ont une ressemblance avec le juif et, de l'autre côté une ressemblance avec ce qui est véridique à l'islam. Regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, pour accepter ta prière, il faut que dans ta prière il soit un dua que tu dis de tous les jours. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. Pour que ta prière soit acceptée, il faut qu'il y ait ce dua dans ta prière. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, qui sont ceux qui ont la science et qui la mettent en application. et non pas la voix de ceux qui ont encore été en colère, ceux qui ont la science et qui la cachent, qui ne la mettent pas en application. Ça veut dire que c'est parmi nous, moi, toi, nous sommes tous concernés. Si on a de la science, on ne la met pas en application, on est tombé dans la voie de ceux qui ont encore eu la colère d'Allah. La même chose, tu les avoues dans ton âme, et je ne veux pas être dans la voie de ceux des égarés. Ça veut dire que c'est moi ou toi, on met en application quelque chose qui n'est pas dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur laquelle nous n'avons aucune preuve, on tombe la même chose de l'autre côté. Le verset, il est là, il s'adresse à tout un chacun de nous. Il Fatiha, sa situation est énorme, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Fatiha, il y a tout le Coran. Comme on dit, salaf, il faut la comprendre, la mettre en application. Hein? Il ne faut pas croire. Alors, l'islam, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous concerne jusqu'à la fin des temps. Et nous devons la méditer et la mettre en application. ومع أن الله يقول الشيخ حفظه الله ومع أن الله قد حذرنا من سبيلهم فقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما سبق في علمه حتى قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن إيه الله سبحانه وتعالى nous a averti de ne pas prendre le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, et le chemin de ceux qui sont, hein, qui se sont égarés. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, mais ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala doit s'accomplir. Hein? Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé ce qui est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala avant la création des cieux et de la terre. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans les authentiques nous a annoncé du hadith d'Abi Saïd al-Khudri, il a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, vous allez suivre le chemin de ceux qui sont passés avant vous en pont par en pont. Même s'ils rentrent dans le trou d'un varan, vous allez y rentrer. Ils lui ont dit à Rasoulallah, les juifs et les chrétiens, ils lui disent alors c'est qui? Subhanallah. Et regardez, les imitations aveugles. Regarde, subhanallah. Hein? L'imitation que fait la communauté. Hein, de l'Occident. Ça te prouve quoi? Ça te prouve la véracité de ce messager alayhi salatu wassalam. Que il est comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il n'a pas parlé de ses propres passions, ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait apprendre des choses de l'invisible pour l'annoncer à cette communauté, pour que cette communauté soit avertie, pour qu'ils ne tombent pas dans les situations dans lesquelles sont tombées les autres communautés. Wa rawa al-Bukhari fi sahihih 'an Abi Hurayra radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la taqumu as-sa'atu hatta ta'khudha ummati ma'khadha al-qurun shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'. Fa qila ya Rasulullah ka Faris wa Rum qala wa min an-nas illa ulaik. Et dans l'authentique d'Al Bukhari, du hadith d'Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu warda, dit l'heure ne va pas arriver jusqu'à ce que cette communauté prend le chemin de ceux qui sont passés avant elle, en pont après en pont, coudé par coudé, en pont et coudé par coudé. Il lui a dit à Rasulullah, c'est qui? Les Perses et les Romains. Il lui a dit qui sont? C'est ceux-là. Et regarde la véracité de ce qu'a dit Rasulullah alayhi wa sallam. T'as pas besoin que je te donne des exemples, etc. Tu es dans un milieu où les exemples sont flagrants devant toi. Sauf si tu ne sais pas voir. Là, tu es aveugle. Aveugle du cœur. Moi, les yeux, tu les as, alhamdoulilah. Et si tu es aveugle du quoi? Du cœur, donc tu ne vois pas et tu ne verras pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance du cœur. Fakhbara. أنه يقول الشيخ فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهات لليهود والنصارى وهم أهل الكتاب ومضاهات لفارس والروم وهم الأعاجم وقد كان صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهؤلاء وليس هذا إخبارا عن جميع الأمة بل قد تواتر عنه أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة وأن الله لا يزال يغرس في هذا الدين غرسا استعملهم فيه بطاعته صلى الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم منهم. الرسول صلى الله عليه وسلم annoncé que sa communauté va concurrencer les juifs et les chrétiens dans leur voie, qui sont les gens du livre. Il va concurrencer aussi les Perses et les Romains. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de ressembler à tout cela. Et ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous l'a annoncé et nous a interdit. Et ça ne concerne pas toute la communauté, puisque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé aussi dans le hadith authentique qu'il restera toujours une petite groupe. Un petit groupe de sa communauté qui sera sur la vérité et apparent sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Il a annoncé que sa communauté ne se réunira pas. Toute la communauté ne sera pas sur l'égarement. Il restera toujours ce groupe qui restera à part et qui restera sur la vérité. Et là, il nous a annoncé que Allah subhanahu wa ta'ala fait exister des gens et il les fait grandir dans sa religion. Il les utilise dans son obéissance, etc. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là, parmi ces pousses qui sont dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. فعلم بخبره الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه الذي هو دين الإسلام محضا وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود أو إلى شعبة من شعب النصارى وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف بل وقد لا يفسق أيضا بل قد, لا ي... قد يكون الانحراف كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون خطأا إيه Toujours les paroles sont à Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, donc dans Sirat al-Mustaqim, il dit, de là on sait, par l'annonce du véridique, c'est-à-dire l'annonce véridique et l'annonce du véridique qui est Mohammed alayhi sallam, ce qu'il a annoncé à sa communauté, que restera dans sa communauté, il y aura toujours des gens, un groupe qui va rester, qui se cramponne à la voix du prophète alayhi sallam, et à l'islam pur, et qu'il y aura des gens qui vont dévier, et qu'il y aura des gens qui vont se retrouver dans certaines déviances des juifs, d'autres qui vont se retrouver dans certaines des juifs, certaines déviances des chrétiens. Et même s'il dit rahimahullah ta'ala, c'est l'homme par cette déviance, il ne devient pas complètement mécréant, et peut-être il ne devient pas pervers ni désobéissant, mais peut-être que si la déviance peut devenir du domaine de la mécréance et la perversité aussi. Et ça peut être aussi une erreur, ça peut être tout simplement une désobéissance. Ah. Wa qala ta'ala wa la talbisu al-haqq bil batil wa taktumu al-haqq wa antum ta'lamun. Et il est dit dans le verset que c'est cher ici. Le passage auparavant s'est arrêté. Avant ce verset, se sont arrêtées les citations de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et il est dit ici dans le verset, « Il ne déguisez pas, n'habillez pas la vérité avec le faux, et ne cachez pas la vérité alors que vous le savez. »« وَقَدْ قَامَتْ هَاتَانِ الصِّفَتَانِ بِطَوَائِفِ الْبِدَعِ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَكُتْمَانِ الْحَقِّ مَعَ الْعِلْمِ » Et ces caractéristiques qui sont le fait de déguiser la vérité avec le faux, sont accomplis dans certains groupes de l'innovation. Ils ont déguisé la vérité avec le faux, ils ont caché la vérité. Quoi de plus énorme que dire les religions célestes, nos frères dans la foi, en parlant du genre du livre. C'est pas déguiser le faux avec le vrai? Hein? C'est Allah subhanahu wa ta'ala tabat. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Et il est dit dans le verset, la religion c'est Allah, c'est l'islam, c'est la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de livre ont été en divergence après avoir reçu la science, les preuves. Injustement entre eux, il y a eu divergence. Et celui qui me croit en les versets d'Allah, c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est rapide. يقول الشيخ حفظه الله وكذلك أهل الأهواء من شيعة وصوفية وحزبية باختلاف أنواعهم اختلفوا في الدين بعدما فصلهم الصراط المستقيم. Il dit aussi, il en est de même pour les gens qui suivent leur passion, que ce soit Shia, que ce soit les soufis, que ce soit les partisans de parti, les hizbi hado, et dans les différentes tendances, ils ont divergé dans la religion de Allah, après que Allah leur a donné les détails de la voie droite et la voie claire. يقول حفظه الله وإني قد جئت بهذا الباب لألا يشمئز بعض الإخوة بالاستدلال بعض الآيات التي نزلت في الكفار على أهل البدع. Il dit, Havidallah ta'ala, il a fait exprès de ramener ce chapitre pour que certains ne trouvent pas quelque chose dans leur cœur, des irritations dans leur cœur, en prenant comme preuve certains versets qui sont descendus sur concernant les kuffars et de les mettre sur les innovateurs. C'est là. Ah. Ça. نقف عند هذا الحد إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا